Le 11 février. Cher papa Faucheux, ne vous considérez pas comme insulté si je n'écris que 4 lignes. Ce n'est pas une lettre, c'est tout bonnement un mot pour vous dire que je vais vous écrire aussitôt les examens passés. Il ne suffit pas que je sois reçu, mais bien reçu. Je dois me montrer à la hauteur de ma bourse. À vous, tout en travaillant dur. J.A. Le 5 mars. Cher papa Faucheux, le président Quiller a fait ce soir un discours où il a traité la génération moderne de légère et superficielle. Il a dit que nous perdions notre vieil idéal d'école, nos hautes idées de travail et de science, et ce relâchement se manifeste surtout dans notre attitude irrespectueuse envers les autorités consacrées. Nous ne montrons plus de déférence bienséante à nos supérieurs. Je suis revenue très sérieuse de la chapelle. Suis-je trop familière, papa ? Devrais-je observer avec vous des manières plus dignes et garder les distances ? Oui, j'en suis sûre, je recommence ma lettre. Mon cher monsieur Smith, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai passé avec succès mes examens de demi-année et que je commence à travailler pour le prochain semestre. J'ai donc fini la chimie, ayant terminé mes cours d'analyse qualitative, et j'entreprends l'étude de la biologie. J'entame cette matière avec quelque hésitation, car j'apprends que nous disséquons des asticots et des grenouilles. La semaine dernière, nous avons eu à la chapelle une conférence des plus intéressantes et instructives sur les ruines modernes dans le midi de la France. Je n'ai jamais entendu exposer un sujet avec plus de clarté. Nous lisons l'abbaye de Tintern de Wordsworth pour nos cours de littérature anglaise. Quelle œuvre exquise et comme elle traduit bien sa conception du panthéisme. Le mouvement romantique du siècle dernier, représenté par des poètes comme Shelley, Byron, Keats, et Wordsworth m'intéresse autrement que la période classique qui la précède. À propos de poésie, avez-vous jamais lu cette petite chose charmante de Tennyson, Locksley Hall ? Je suis très régulièrement la gymnastique. Un système de surveillance a été organisé et la moindre infraction aux règles nous vaut beaucoup d'ennuis. Le gymnase contient une belle piscine en marbre et ciment, dont d'une ancienne graduée. Ma camarade de chambre, Sally McBride, m'a donné son costume de bain. Il avait tellement rétréci qu'elle ne pouvait plus le mettre, et je vais commencer la natation. Nous eûmes hier soir des glaces roses délicieuses pour le dessert. On n'emploie chez nous que des substances végétales pour colorer les mets. Les règlements du collège s'opposent formellement, par raison d'esthétique et d'hygiène, à l'usage des couleurs d'aniline. Le temps, ces jours-ci, a été idéal. Un soleil brillant, un vol de nuages et, par intervalles, quelques jolies tempêtes de neige. Mes camarades et moi, nous avons fait une charmante promenade pour aller au cours et pour en revenir surtout. Avec l'espoir, mon cher monsieur Smith, que ceci vous trouvera comme de coutume en bonne santé. Je vous envoie mes compliments distingués, Jerusha Abbott. Le 24 avril. Cher papa, voilà le printemps revenu. Il faut voir comme le campus est beau. Vous devriez bien vous offrir ce tableau-là. Monsieur Jervy a passé chez nous vendredi dernier, mais il a choisi un moment peu favorable, car Sally, Julia et moi étions justement à courir après notre train. Et où croyez-vous que nous allions ? À Princeton, pour y assister à une sauterie et à une partie de ballon, rien que cela. Je ne vous ai pas demandé si je pouvais y aller, parce que j'avais le pressentiment que votre secrétaire dirait non. Mais tout était parfaitement en règle. Nous avions un permis de sortie du collège, et Madame McBride nous servait de chaperon. Nous nous sommes bien amusés. Mais il faut que je me dispense de vous donner des détails. Il y en a trop, et ils sont trop compliqués. Samedi. Levé avant l'aurore. Le veilleur de nuit nous a appelés. Nous étions 6, et nous avons fait le café dans un réchaud. Si vous aviez vu la quantité de morts, nous avons marché pendant 2 miles et monté au sommet de la colline du vieil arbre pour voir le lever du soleil. La dernière rampe a été grimpée à 4 pattes. Le soleil a failli arriver avant nous. Vous pouvez penser si nous avons rapporté des appétits pour le petit déjeuner. Tiens, tiens, papa, il me semble que j'ai un style très exclamatoire aujourd'hui. Ma page est striée de points d'exclamation. J'avais l'intention d'en écrire très long sur les arbres qui bourgeonnent, la nouvelle allée sablée de cendres dans le champ d'entraînement, la terrible leçon de biologie que nous aurons demain, les canoës tout neufs sur le lac, la pneumonie de Catherine Prentice, la fuite de la petite chatte Angora de Prexy, qui est allée prendre pension à Ferguson Hall pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'une femme de chambre l'ait rapportée. Et mes 3 nouvelles robes, la blanche, la rose et la bleue mouchetée, avec chapeaux assortis. Mais j'ai trop sommeil. J'allègue toujours cette excuse-là, n'est-il pas vrai ? Mais on se donne beaucoup de mouvements dans un collège de jeunes filles et nous sommes fatigués à la fin de la journée, surtout quand la journée commence à l'aube. Affectueusement, Joujou. Le 15 mai. Cher papa Faucheux, cela se fait-il de monter dans le tram, de regarder tout droit devant soi et de ne voir personne ? Une très belle dame, dans une très belle robe de velours, est montée dans le tram aujourd'hui et, sans donner d'autres signes de vie, est restée pendant 15 minutes à regarder fixement une réclame de jartel. Il me semble que ce n'était pas bien correct d'ignorer la présence de tout le monde, comme si l'on était la seule personne importante de la compagnie. En tout cas, on perd un tas de choses qui se passent autour de vous. Aussi, pendant que la dame s'absorbait dans la contemplation de cette stupide annonce, j'étudiais ce qu'un tram complet contient d'êtres humains intéressants. Voulez-vous savoir comment j'apprends à nager ? Je commence par vous dire que je ne suis pas encore un champion. La maîtresse de natation me soutient sur l'eau au moyen d'une corde passée dans une poulie fixée derrière un anneau de ma ceinture. Le système serait très beau si on avait une pleine foi dans la conscience de la maîtresse. Mais j'ai toujours peur qu'elle ne relâche la corde, alors j'attache un œil inquiet sur elle et je nage avec l'autre, de sorte que mon attention étant ainsi partagée, je ne fais pas les progrès que je devrais faire. Temps très changeant ces jours-ci. Lorsque j'ai commencé ma lettre, il pleuvait, et maintenant le soleil brille. Sally et moi, nous sortons pour aller au tennis. De cette façon, nous sommes exemptés de gymnastique. 8 jours plus tard, j'aurais dû finir cette lettre déjà depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Cela vous est égal, n'est-ce pas, papa, si je ne suis pas très régulière dans ma correspondance. J'adore vous écrire. Cela me donne une sensation de respectabilité, comme si j'avais de la famille. Voulez-vous que je vous dise quelque chose ? Vous n'êtes pas l'unique monsieur à qui j'écris des lettres. Il y en a encore 2 autres. Cet hiver, j'ai reçu de bonnes longues lettres de monsieur Jervy, avec les enveloppes dactylographiées, ne reconnaissent pas l'écriture. Avez-vous jamais entendu quelque chose de plus shocking ? Et tous les 8 ou 10 jours, je reçois une lettre de Princeton, écrite en pâte de mouche, d'habitude sur du papier de bloc-notes jaune. Je réponds à chacun de mes correspondants avec une promptitude toute commerciale. Vous voyez, je ne diffère pas beaucoup des autres jeunes filles, je reçois des lettres, tout comme elles. Vous ai-je dit que j'ai été nommée membre du Cercle dramatique des seniors, société très fermée. Sur 1000 élèves, il n'y en a que 75 d'admises. Trouvez-vous que je doive en faire partie, moi, socialiste avéré ? Savez-vous de quoi je m'occupe maintenant, sociologie ? Je suis en train, voyez-vous cela, de faire un article sur la condition des enfants assistés. Le professeur distribue des sujets au hasard, comme les cartes au bridge, et c'est justement celui-là qui m'est échoué en partage. Elle est bien bonne, n'est-ce pas ? J'entends le gong, c'est le dîner. Je jetterai ceci à la boîte en passant. Affectueusement. J. Le 4 juin. Cher papa, très occupé dans 10 jours, distribution des diplômes, demain examen, beaucoup de travail, beaucoup d'emballage, avec au dehors un monde si charmant que cela vous fait mal de rester dedans. Mais n'importe, les vacances sont prochaines. Julia ira en Europe cet été. Ce sera la 4e fois. Il n'y a pas à dire, papa, les choses ici-bas ne sont pas bien réparties. Sally ira, comme d'habitude, aux Adirondacks. Et moi, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire ? Je vous le donne en 3. Lock Willow, perdu. Les Adirondacks, avec Sally, perdu. On ne m'y reprendra plus. J'en ai eu assez de l'année dernière. Vous ne pouvez pas trouver autre chose ? Vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Eh bien, je vais vous le dire, papa, si vous me promettez de ne pas me faire une foule d'objections. Je préviens votre secrétaire que ma résolution est prise. Je vais passer l'été au bord de la mer avec une certaine Madame Charles Patterson, comme répétitrice de sa fille qui entre au collège cet automne. Je lui étais présentée par les McBride. C'est une personne tout à fait aimable. Je donnerai également des leçons d'anglais et de latin à sa fille cadette. J'aurai cependant un peu de temps à ma disposition et je gagnerai $50 par mois. Cela ne vous paraît-il pas une somme énorme ? C'est elle qui me l'a offerte, car moi, j'aurais eu honte de lui en demander plus de 25. Le 1er septembre, j'aurai fini à Magnolia, c'est là qu'elle demeure, et probablement je passerai mes 3 dernières semaines à Lock Willow. J'aimerais bien revoir les Semple et tous les animaux. mes amis. Qu'est-ce que vous dites de mon programme ? Je deviens tout à fait indépendante, comme vous voyez. Vous m'avez mise sur pied, et je crois que maintenant, je puis marcher presque toute seule. » La date de la distribution des diplômes à Princeton et celle de nos examens coïncident exactement, et c'est plutôt désastreux. Sally et moi, nous aurions tant désiré aller là-bas, mais c'est absolument impossible. Au revoir, papa. Passez un bon été et revenez à l'automne, bien reposé et prêt à vous remettre au travail. Voilà ce que vous devriez m'écrire. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous faites pendant l'été, ni quels peuvent être vos plaisirs. Je ne me rends aucun compte du milieu où vous vivez. Jouez-vous au golf? Chassez-vous? Montez-vous à cheval? Ou bien, assis au soleil, passez-vous votre temps à rêver? Quoi qu'il en soit, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas Joujou. Le 10 juin. Cher papa, cette lettre est la plus difficile que j'ai jamais écrite, mais j'ai absolument arrêté ce que je dois faire, et rien ne me fera changer. C'est tout à fait gentil, généreux et charmant de vouloir m'envoyer en Europe cet été. Au premier moment, l'idée m'a grisée, mais, redevenue de sang-froid, j'ai vu que ce n'était pas possible. Il serait vraiment peu logique de refuser votre argent pour le collège et de l'accepter pour mes plaisirs. Il ne faut pas que vous m'habituiez à une existence trop luxueuse. Les choses que l'on n'a jamais eues ne vous font pas défaut. Mais il est bien dur de se passer de celles que l'on considérait comme vous appartenant de droit. La vie commune avec Sally et Julia est une rude épreuve pour ma philosophie stoïcienne. Depuis leur enfance, elles ont eu toutes deux ce qu'elles désiraient. Elles acceptent le bonheur comme leur dû et croient que le monde est obligé de leur donner tout ce qu'elles demandent. Il se peut que le monde soit de leur avis, en tout cas, il paraît reconnaître la dette et il la quitte. Quant à moi, il ne me doit rien, il me l'a clairement signifié dès le début. Je n'ai pas le droit de vivre d'emprunt, car il viendrait un moment où le monde me couperait le crédit. Il me semble que je nage dans une mer de métaphores, mais j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai le sentiment très net que pour moi, la seule manière d'agir honnêtement est de donner des leçons cet été et de commencer à gagner ma vie. Magnolia, 4 jours plus tard. J'en étais là de ma lettre quand, devinez un peu ce qui est arrivé, la femme de chambre est entrée avec la carte de M. Gervy. Lui aussi ira en Europe cet été, pas avec Julia et sa famille, mais tout seul. Je lui ai dit que vous m'aviez invité à y aller avec une dame qui doit chaperonner un groupe de jeunes filles. Il a entendu parler de vous, papa. C'est-à-dire, il sait que mes parents sont morts et qu'un monsieur généreux m'envoie au collège. Je n'ai vraiment pas eu le courage de lui parler de l'asile John Grier et de tout le reste. Il croit que vous êtes mon tuteur et un vieil ami de la famille. Je ne lui ai pas dit que je ne vous avais jamais vu. Cela aurait paru trop drôle. Quoi qu'il en soit, il m'a conseillé avec insistance d'aller en Europe. Il a dit que cela faisait nécessairement partie de mon éducation et que je ne devais pas refuser un seul instant. Il a ajouté qu'il serait à Paris à la même époque et que de temps en temps, nous échapperions au chaperon pour aller dîner ensemble dans de petits restaurants étrangers très amusants. Je vous avouerai, papa, que cela m'a beaucoup séduit. J'étais au moment de faiblir. S'il n'avait pas été si autoritaire, j'aurais peut-être faibli tout à fait. Je puis bien me laisser gagner doucement, mais je ne veux pas céder à la force. Il a dit que j'étais une enfant entêtée, ridicule, déraisonnable, sotte, stupide, idiote. Voici quelques-uns de ses aimables qualificatifs. J'ai oublié les autres. Il ajouta que je ne savais pas ce qui était bon pour moi et que je devrais permettre aux personnes plus âgées d'en être juges. Nous nous sommes presque disputés, quand je dis presque. En tout cas, j'ai fait ma malle au plus vite et je suis venu ici. J'ai pensé que le mieux était de brûler mes vaisseaux avant de terminer ma lettre. Ils sont maintenant tout à fait en cendres. Me voilà à Cliff Top, le nom du cottage de Madame Patterson, avec ma malle déballée et Florence, la petite fille, en train déjà de lutter contre les substantifs de la première déclinaison. Et la lutte sera formidable. La petite est une enfant extraordinairement gâtée. Il faudra d'abord lui apprendre comment on travaille. Elle n'a jamais jusqu'ici réfléchi sur de plus graves sujets que celui des glaces soda à l'américaine. Nous avons adopté comme salle d'études un petit coin de la falaise, bien abrité. Madame Patterson désire que nous soyons toujours au grand air. Et je dois avouer que j'ai grand-peine à ne pas me laisser distraire par la vue de la mer bleue et des voiles blanches qui passent. Et quand je pense que je pourrais être sur un de ces bateaux, voguant vers les pays lointains, mais je ne veux pas me permettre une pensée qui ne soit pour la grammaire latine. Les prépositions « a » ou « ab »,« absque »,« coram », »,« cum »,« de », »,« et » ou « ex », »,« prae », »,« pro », »,« sine », »,« tenus », »,« in », »,« subster », »,« sub » et « super » gouvernent l'ablatif. Vous voyez, papa, que je me suis plongé dans le travail avec les yeux résolument détournés de la tentation. Ne m'en veuillez pas, je vous en supplie, et n'allez pas croire que je n'apprécie pas toutes vos bontés, car je les apprécie vraiment, encore et toujours. La seule façon que j'ai de vous montrer ma reconnaissance est de devenir un très utile citoyen. Est-ce que les femmes sont des citoyens ? Il me semble que non. En tout cas, une très utile personne. Et, en me considérant, vous pourrez vous dire « C'est moi qui ai donné à l'univers cette très utile personne. » Cela sonne bien, n'est-ce pas, papa ? Mais je ne veux pas vous tromper. J'ai très souvent la sensation que je ne suis pas du tout remarquable. C'est amusant de se tracer un plan de carrière, mais selon toute probabilité, je ne me distinguerai pas beaucoup des autres jeunes personnes. Il se peut même que je finisse par épouser un entrepreneur de pompes funèbres et que je devienne la muse qui préside à ses travaux. Toujours à vous, Joujou. Le 19 août. Cher papa Faucheux, ma fenêtre donne sur le plus délicieux paysage. Je devrais dire océan, âge. De l'eau, des rochers, et voilà tout. L'été s'en va. Je passe ma matinée dans le latin, l'anglais, l'algèbre avec mes deux sottes élèves. Je ne sais pas comment Marion pourra faire pour entrer jamais au collège, ni pour y rester si elle est jamais admise. Quant à Florence, aucun espoir, mais quelle petite beauté! Du moment qu'elles sont jolies, je ne crois pas que cela ait la moindre importance qu'elles soient sottes ou pas. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de penser à quel point leurs conversations ennuieront leur mari. À moins, toutefois, qu'elle n'ait la chance de trouver des maris stupides. Cela, du reste, me semble fort possible, car les hommes stupides sont légion dans le monde. J'en ai rencontré beaucoup cet été. L'après-midi, nous nous promenons sur les falaises, ou bien nous faisons de la natation, si la marée le permet. Je nage dans l'eau salée avec la plus grande facilité. Vous le voyez, mon éducation me rend déjà des services. Une lettre arrive de Paris de M. Jerry Pendleton. Une lettre plutôt brève. Mon refus de suivre ses conseils n'est pas encore tout à fait pardonné. Cependant, s'il revient à temps, il viendra me voir à Lock Willow, où il passera quelques jours, avant la rentrée. Et si je suis très gentille, bien aimable et toute docile, je pourrai, il m'est permis de le croire, rentrer dans ses bonnes grâces. J'ai eu aussi une lettre de Sally. Elle me demande de venir passer une quinzaine à leur camp, au mois de septembre. Faut-il votre autorisation, ou ne suis-je pas encore assez grande pour faire ce que bon me semble? Mais oui, je suis certaine d'en avoir le droit. Je suis senior, comme vous savez. Ayant travaillé tout l'été, j'éprouve le besoin de me donner quelques saines distractions. Je voudrais voir les Adirondacks, voir Sally, voir le frère de Sally. Il doit me montrer la manœuvre du canoë. Et c'est ici le motif principal, plutôt mesquin. Je voudrais, quand M. Jervy arrivera à Lock Willow, qu'il ne m'y trouve pas. Il faut que je lui montre qu'il n'a pas à me dicter ses volontés. Personne n'a le droit de me dicter ses volontés, excepté vous, papa, et vous ne l'avez pas toujours. Je vais faire un tour en forêt. Joujou. Le camp McBride, le 6 septembre. Cher papa, votre lettre est arrivée trop tard. J'ai le plaisir de vous le dire. Si vous désirez que l'on suive vos instructions, il faut que votre secrétaire les transmette en moins de 15 jours. Comme vous pouvez le voir, je suis ici, et cela depuis 5 jours. Les bois sont superbes, et le camp, et aussi le temps, les McBride et le monde entier aussi. Que je suis donc heureuse! Voilà Jimmy qui m'appelle pour faire du canoë. Au revoir, au regret de vous avoir désobéi, mais pourquoi persistez-vous à m'en vouloir si je m'amuse un tout petit peu? Après avoir travaillé tout l'été, j'ai droit à mes 15 jours. Vous êtes terriblement un chien du jardinier. Cependant, je vous aime toujours, papa, malgré tous vos défauts. Joujou. Le 3 octobre. Cher papa Faucheux, de retour au collège, est devenu senior, ainsi que rédacteur en chef de la revue mensuelle. Cela est-il donc possible qu'une personne de si haute culture ait été il y a juste 4 ans une pensionnaire de l'asile John Grier ? Nous arrivons vite en Amérique. Que pensez-vous de ceci ? On vient de me renvoyer un mot de M. Gervie, adressé à Locke Willow. Il le regrette, mais il ne pourra y venir cet automne. Il a accepté une invitation de quelques amis qui font du yachting. Il espère que j'ai passé un bon été et que je m'amuse bien à la campagne. Il savait parfaitement que j'étais chez les McBride, car Julia le lui avait dit. Vous autres hommes, vous devriez laisser l'intrigue aux femmes. Vous n'avez pas assez de doigté. Julia a une malle pleine de robes neuves adorables. Une toilette de soirée en crêpe Liberty arc-en-ciel qui siérait aux anges du paradis. Et moi qui pensais que mes robes de cette année étaient d'une beauté incomparable, j'avais fait copier celle de Madame Patterson par une petite couturière. Et quoique ces toilettes n'aient pas paru tout à fait les sœurs jumelles des originaux, j'étais heureuse jusqu'au moment où Julia a ouvert ses malles. Mais maintenant, je ne vis plus que pour voir Paris. Cher papa, n'êtes-vous pas content de ne pas être une jeune fille ? Je suppose que vous trouvez que nous faisons un peu trop d'embarras à propos de nos robes. C'est vrai, sans doute, mais c'est absolument de votre faute. Avez-vous jamais entendu parler de Herr Professor qui trouvait toute parure superflue et prêchait pour les femmes les modes raisonnables et utiles ? Son épouse, qui était une personne docile, adopta, désirant lui faire plaisir, des robes montantes et à poignets, et pour la récompenser, il l'a plantée, là, toujours à vous, joujou. Post-scriptum. La femme de chambre de notre corridor porte des tabliers de guingamp à carreaux bleus. Je vais lui en acheter d'autres, couleur marron, et je jetterai les bleus au fond du lac. Chaque fois que je les vois, j'ai des souvenirs qui me donnent le frisson.